Une victoire médiatique. Lolo Projection était distorsionné, gribouillé, accentuant l'effet de sévérité du visage carré du premier officier Gautier. Mal, maugréa-t-il. Ça va mal. Amélie tentait de garder l'équilibre, s'agrippant au filet de sangle sur le mur. L'hélicoptère filait à toute vitesse, la cime des Laurentides découpant un horizon grisâtre, par-delà les hublots de compartiments arrière. L'instabilité était plus difficile pour les deux labtecs qui s'affairaient avec des caisses d'équipement entassées là. Au fond, six agents de la Hope-Sec siégeaient patiemment, échangeant à voix basse en ricanant. La nouvelle unité d'Amélie. Elle avait eu un moment pour inspecter les fiches et ne savait pas quoi en penser. Six hommes blancs, pur laine, soldats d'élite, ex-militaires, parachutés sur la moitié du globe depuis 10 ans, des vétérans de tous les conflits avec tout le bagage psychiatrique, la pharmacopée, antipsychotiques, dextro-amphétamines. Depuis 1 heure qu'ils blaguaient contre les femmes, les gays, les immigrants. Irritée, Amélie se rappela que Gautier n'était plus son supérieur. « Épargne-moi tes figures de style, » commença-t-elle d'un ton acerbe. « Je veux un rapport maintenant. Tu comprends? Dans quelle espèce de piège à con est-ce qu'on est rendu? Parce que je prends mes ordres directement de William Saint-Onge et ils m'ont rien dit d'une escapade nowhere dans le Grand Nord. « Mange ça, » pensa-t-elle. « Vous allez arrêter de me traiter comme une imbécile? » « C'est justement ça le problème. » répondit Gautier dans un gargouillis d'interférence. On a perdu le contact avec le centre des commandes. Une cellule du M9A a réussi à infiltrer l'archéologie hier soir. Et maintenant, toute la ville est noire, la croix. Dans l'holo-projection, le visage de Gautier était remplacé par un extrait vidéo capturé dans un ascenseur corporatif. Il montrait un homme et une femme se dévêtir de leur combinaison de techniciens. La femme avait l'air chétif, névrosé, des flocons de neige tatoués sur les bras, les paupières mauves. Lorsqu'elle porta un inhalateur à ses lèvres rouges, Amélie reconnut la V, une puissante neurodrogue. À la ceinture de la femme pendait une machette dans un vulgaire étui de plastique. L'homme, quant à lui, était habillé en noir, de la tête aux pieds, les yeux cernés, le crâne rasé et une vilaine plaie mal suturée à l'arrière de la tête, dégoulinante de pus. Il chargeait un Makarov de toute apparence modifiée avec un chargeur allongé ressortant du manche, le pistolet transformé en rafaleuse. Lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, la vidéo s'éteignit. « Attends, » interrompit Amélie. « Qu'est-ce que tu veux dire par « on a perdu le contact »?» C'est là que le visage de Gautier se courba en une moue alarmante. « Pas certain, » dit-il penaud. « Un des scénarios implique une surcharge du réacteur à fission d'hélium-3, transformant la centrale en mégatron. La détonation enverrait une pulsation électromagnétique. » Tu comprends ce que ça veut dire, la croix? Tout circuit, toute technologie bousillée dans un large rayon, peut-être aussi grand que la région métropolitaine. C'est pratiquement impossible, mais... La croix l'interrompit. Une détonation? Tu veux dire que l'archéologie est... un cratère? Conclut Gautier. C'est à ce moment que les labtechs s'approchèrent d'Amélie, avec des pièces d'équipement. Des bottes d'armure, vraisemblablement, mais grotesques et ridiculement lourdes. Des tiges hydrauliques étaient fixées aux chevilles et aux genoux. D'autres pièces gisaient dans les caisses ouvertes. Amélie n'y portait pas attention. L'archéologie, son rêve, son avenir, s'envolaient. « Mais qu'est-ce que je crisse ici d'abord? » cracha-t-elle. « Espèce d'imbécile! » Pourquoi je suis pas là-bas pour sauver Bill? Pour sauver... C'est alors qu'elle réalisa qu'il était peut-être trop tard pour lui aussi. La croix, dit Gautier, en haussant le ton. Juste avant l'explosion, on recensait des attaques sur toute la carte. dans le sud, depuis les ghettos. Les pauvres sont armés. Il y a des drapeaux noirs partout. Au nord, c'est les vagabonds. Ils sortent de partout comme des coquerelles. On fait sauter une série de pylônes déjà et menace tout le réseau d'électricité. Ils se sont coordonnés, les salauds. Tu comprends ce qui va arriver? On approvisionne toute la côte est américaine. On est à deux doigts de perdre le contrôle totalement. Une autre vidéo remplaça le visage de Gauthier. Une scène sous le couvert d'épinettes noires, une éclaircie quelque part dans les collines, avec les herbes jaunes, les tourbières, les arbustes rabougris. Un homme se traînant difficilement, mais adroitement, pas à pas, à travers les bosquets. Son paletot était brun et craquelé par l'usure, son capuchon usé et troué, rabattu sur son front, et sa mine patibulaire, malade, fut identifiée en une microseconde par les biométriques. À son cou luisait un pendentif représentant plusieurs flèches pointant différentes directions à partir du même centre. Gaspard Delisle, alias Twin, alias Hans. Protocole. Prononça Gauthier, gravement. Il y a un centre de données au nord de la Broadback, souterrain, aménagé dans une ancienne base de l'OTAN. L'Empire William Saint-Onge y sauvegarde toutes ses données. C'est la sûreté, si jamais le siège social est compromis. Tu comprends? Depuis le réaménagement, nous sommes devenus une des plus grandes entités corporatives au monde. C'est beaucoup d'informations, la Croix. De l'information vitale. Le protocole inclut l'hébergement ailleurs aussi, juste au cas, mais le crash économique a créé de l'instabilité dans plusieurs pays et... Laisse-moi deviner, coupa Amélie. Hans est déjà là. Vous pouvez avertir l'équipe? Gauthier haussa les épaules, ignorant. Les communications sont brouillées, prétexta-t-il. Amélie jeta un regard aux pièces d'armure articulées. Elle réalisa que les casques de ses soldats étaient également munis de caméras. « On tourne un film maintenant ?» demanda-t-elle, décontenancée. « Pourquoi le costume ?»« Simple, » répondit Gauthier. « Je te présente le projet EXO pour exosquelette. Prototype, dernier cri. 15 millions de crédits seulement pour cette unité-là. Le visage des soldats de demain. » Je t'avais parlé d'une victoire médiatique, la Croix. C'est comme ça qu'on va gagner la guerre. Hans, c'est le leader. Il faut pouvoir montrer sa capture aux citoyens qui ont encore accès au fil pour les rassurer. Live, en temps réel. La moindre microseconde signifie des pétaoctets de données essentielles. Amélie inspira, décida qu'elle n'allait pas se taire cette fois-ci. Les anarchistes n'ont pas de leader, prétexta-t-elle. Tu le sais comme moi. Si c'était si simple, on aurait commencé par le haut. Qu'importe, argumenta Gauthier. On dira que c'est lui. Machinalement, Amélie enfila les bottes qu'on lui présentait. Elles étaient confortables, duveteuses même, mais trop lourdes, comme si elles étaient faites en béton. Un lab-tech commençait à calibrer les rotors hydrauliques, tandis que l'autre apportait les jambières. Puis de toute façon, continua Gauthier, optimiste. Ça fera de toi une star planétaire. Oublie ce que William Saint-Onge t'a promis. Après cette mission, tu pourras avoir tout ce que tu veux. Tout. C'est un changement de paradigme, la Croix. Une opportunité. Tu pourras vivre comme une vraie reine ici même, ou prendre ta retraite, tiens, au top de n'importe quelle autre archéologie, palais, château. Comme tu veux. C'est toi qui décideras et personne d'autre pour le reste de tes jours. C'est ça que tu veux, non? Amélie scrutait l'horizon pendant que les lab techs s'affairaient. Ce que je veux, pensa-t-elle. Ce que je veux. C'est à ce moment que la projection instable du premier officier Gauthier s'avança quelque peu et lui dit, d'un ton étonnamment familier: Mais Amélie, protège les données. Si t'échoues à faire ça, ni toi ni moi avons de futur ici. Ou ailleurs.